agenouillé. T'arrasse le bas avec sa moustache épilée. Tu les maries et tu vas de l'en empêcher. Le tartare enivré est vraiment trop cruel. Et le diable et son armée. Le tartare enivré. Les nouveau-nés auront la gorge tranchée pour vérifier si son sabre est aiguisé. Ils sont le cuir car jamais il ne se lave. Il boit de la vodka avant toutes ses batailles. Encore plus méchant, il règne sur les steppes d'un homme tout malfaisant. Car entre les rebelles, car en mauvais.